fait que là, je vais. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans le rétroviseur pour vous parler. Je vais regarder dans le rétroviseur, puis. Là, c'est gossant parce que j'ai. On dirait que j'ai tout le temps l'habitude de mettre mes mains sur le volant, là, mais en tout cas. Bon, c'est correct, OK. On est-tu en mouvement? Ou on est arrêté sur le coin de. On va être en mouvement. OK. Fait que je vais être sur. Je vais vous regarder là, puis je vais. Bon, faut pas que je mette mes mains sur le volant. Bon, c'est comme ça. C'est correct. Où, là, Chris, attends de mouvement, puis tu vas pas tes mains sur le volant. Oh, yeah! Eh, hey, bien. Ouais, mais c'était. Regarde, check back. Oh, yeah! Oui, bienvenue dans l'antre du n'importe quoi, où on y trouve de tout, même trois hurluberlus. Ah! C'est Schizopod 4. Au micro, les frères J et Monseigneur La Trémouille, aujourd'hui en direct d'une autoroute en Ontario. Et on teste en ce moment même les tout premiers véhicules automatisés, ou ben, si vous préférez, le char autonome. Hey, tu trouves pas qu'il va un peu vite ton char, Chris? J'espère qu'on fera pas une Tesla de nous-mêmes. C'est quoi ça? Ah, là, tu pas? L'hiver dernier, il y a eu aussi leur système automatique de ouais, un accident mortel parce que le conducteur qui était payé par Tesla pour tester les voitures, eh bien, le système a fait défaut et il s'est tué. Ah, OK. Ouais, ben non, ça va aller. De toute façon, toi, tu trouves que ça va vite? Moi, je trouve que ça va. C'est une vitesse, ça respecte les limites, regardez. Ben, 120, je sais pas. Moi, je trouve ça fly d'or. On n'entend rien, hein? On n'entend pas l'extérieur, c'est fou. Ouais. Toi, t'es derrière le volant, tu fais quoi, là? Tu mets pas le pied sur le break? Ben, je fais rien, là. Ben, regarde, pour ceux qui nous écoutent pis qui savent pas c'est quoi un char autonome, mais c'est un véhicule automatisé, sans conducteur. Ben, en fait, on n'a pas obligé de conduire le véhicule, ça le fait pour nous. Le véhicule est capable de détecter les obstacles, de naviguer dans le milieu routier environnant. Ils ont le potentiel d'améliorer la sécurité routière. Puis, ils ont une efficacité énergétique. Puis, bon, il paraît que ça réduirait ou ça va réduire la congestion routière et les émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est semblerait les bonnes choses. Est-ce que vous êtes sceptiques? Donc, moi, je suis pas sûr. Tu sais, j'ai tout le temps la misère. Je suis tout le temps porté à mettre mes mains sur le volant. Là, ça me moi, l'endroit où je suis sceptique, c'est que les futurs terroristes vont réussir peut-être à prendre contrôle du système informatique pour pouvoir faire crasher toutes les voitures en même temps. Ou, tu sais, ça existe encore aujourd'hui des bugs informatiques, des virus informatiques. Alors, pourquoi pas sur les systèmes de contrôle automatique? J'avoue. Mais moi, je pense que ça va faire des voitures dont la prudence, le civisme va être en augmentation et l'imbécilité des conducteurs en diminution, ce qui est tellement, tellement bon. Donc, moins d'accidents sur les routes. J'avoue que ça, pour ça, c'est une bonne idée. Moi, ce que je craignais, c'était, ben, on va le voir tantôt, puisqu'on teste, que, ben, calvaire, c'est l'auto qui chauffe, là. L'auto, c'est pas un humain. Oui, ça a des sens, des senseurs, mais il y a des choses que ça pourra pas voir, calvaire. À un moment donné, ben, c'est ça. Ben, dans les désavantages, ils disent que tout dépendant de la condition météorologique, tu sais, il y a, je sais pas, moi, un brouillard. Ben, si boire une Lada verte vient de nous dépasser, calé. Ça existe encore, les Lada, calé. Il y a pas une tortue qui nous dépasse, à droite. Ah, check la fille, là-bas. Elle fait 10 pouces. On peut-tu l'embarquer? Comment qu'on fait pour arrêter le char? Ben, parce que moi, l'affaire, c'est que je suis pas capable de débourrer les portes. Ah, c'est con, ça. J'ai pesé sur puis une... on s'en va où, là, de même? Si j'en ben, je sais pas, c'est le char qui nous mène. C'est le char qui nous mène. OK, fait qu'on sait même pas où ce qu'on va, Carolique. Non. On va vers l'ouest ou vers l'est? Moi, je suis pas bien bon dans les directions. Tes points cardinaux? Bon. Non. Qu'est-ce qui se passe? Puis je me suis dit que j'avais pas le droit de toucher à mon GPS, puis j'avais pas le droit de regarder une carte. On se laisse aller, puis le temps du podcast, ben, il va peut-être nous ramener à notre point de départ. Puis, Il paraît que si tu roules à 88 km/h, ben, tu vas retourner à demain. Hein? Explique-nous ça. Ben, c'est Back to the Future. Oh! Ouais, t'es pas d'accord. Elle venait de loin, celle-là. Vous savez pourquoi c'est pas encore établi le système automatique de conducteur? En tout cas, pourquoi ça prend du temps? Parce qu'il y a des risques explosions. Et c'est surtout la compagnie d'assurance. Quand, si tu as un accident, parce que... Oui, bon, c'est qui le coupable? C'est qui le coupable? Ah, c'est qui le cave? Le conducteur, celui qui a créé le logiciel, le fabricant automobile. Bon, voilà, ces assurances sont très... Sauf que ils sont prêts à accepter parce que aussi ils disent que la plupart des accidents, c'est l'erreur humaine. Et quand il va y avoir le système automatique, eh bien, les risques d'accident vont diminuer. Ouais. Mais ça va faire des assurances qui vont coûter vraiment cher, par exemple. Pourquoi? Ben, parce que, justement, comme il va y avoir moins d'accidents... Qu'est-ce que... Hein? Ma logique est bizarre, mais ouais, je me comprends. T'as-tu une crampe? Ben, non, j'ai comme un blocage cérébral, là. Okay. Moi, si j'ai de la misère à vous comprendre, là, c'est parce qu'avec le rétroviseur, je sais pas, c'est bizarre, si j'ai pas... C'est pas comme à notre table. Justement, j'ai vu que t'avais mis ton mascara aujourd'hui. Ben ouais, tu l'as vu. Non, pis c'est ça, fait quoi, il y a déjà eu un accident. pas nous, là, mais c'est ça, le risque zéro n'existe pas. Hein. En mars 2016, une voiture Google qui a commis une erreur de pilotage en effectuant une marche arrière alors qu'un boss la suivait de près. Donc, l'intervention humaine reste donc encore nécessaire, mais on le sait tous, l'intervention humaine, des fois, à regarder le monde présentement, pas tout le temps nécessaire. Non, puis il y a quand même des humains qui conduisent en sens inverse ces automobiles, ces autoroutes, je veux dire. Donc, tu sais, si on peut diminuer... C'est sûr que le pourcentage zéro d'accident est complètement impossible, mais je suis sûr que ça va diminuer énormément face à l'erreur humaine, ça, c'est clair. Puis on va pouvoir être sous, peut-être, derrière notre compte. Ben oui. Ah, justement, tu n'avais pas porté une caisse de 6? Juste de 12, puis j'en bois pas. Moi non ça. Plus, j'en bois pas. Okay, et ça me fait penser. J'ai ma tisane. J'ai eu un échange de cadeaux il y a bien des années de ça. Puis, tu sais, on se faisait des cadeaux. Puis moi, je déteste ça. Sauf, j'ai dit, parfait. Je savais pas à qui je donnais le cadeau. J'ai rendu sur place, on se pigeait entre amis, là. Puis, moi, j'avais acheté un super beau cadeau, super beau chandail pour je sais pas qui. Finalement, un de mes amis, Louis-Philippe, a pigé mon nom. Puis moi, j'avais pigé le nom d'un de mes autres amis qui s'appelle Stéphane. Et puis lui, ce qu'il m'avait donné comme cadeau, c'était une caisse de 24. Puis tu bois pas. Et je ne bois pas. Alors, sa caisse de 24, je l'ai laissée chez eux. On se connaissait-tu dans ce temps-là? Je sais pas. T'aurais pu m'adonner. Oui, bon, mais ça vous dérange pas, on passe tout de suite à ce qui nous écœure puis nous fait jouir. Ah! Oui. Bon, fait que orgasme et marasme, qui veut commencer? Voyez avec Marc. Marc, toi ou moi? OK, je vais y aller. Bon. Quelle Marc? Je voulais que ça soit toi, Marc, mais je voyais l'air. Là, j'ai de la misère à vous comprendre dans le rétroviseur. Marc ou Marc? Ouais, Marc. M&M. Non, vas-y, moi, ça va durer un certain temps. Ouais, j'ai beaucoup de choses à dire. Bon, on va y aller avec Marc. OK, c'est excellent, ça. Mon orgasme, c'est en même temps ce que j'ai appris. Orgasme! C'est pour la Wayback Machine. Wayback Machine. Ouais, c'est un site web qui enregistre tout ce qui a été publié sur le web. En fait, ils essayent de garder en mémoire tout ce qui a été publié sur le web, même ce qui a été effacé plus tard. Comme par exemple, si tu vas sur le site de NHL.com, si tu vas sur ce site-là, puis par exemple, tu as des statistiques qui remontent jusqu'à 2009, eh bien, si tu as les statistiques de 2007, 2006, 2005, 2004, etc., etc., tu vois, sur Wayback Machine, ils vont tout avoir ça. Eux, ils sont dans 37 langues et ils ont sur leur site 456 milliards de pages web. Mais là, voilà. Ça contient aussi les mauvaises informations, exact. Les fausses. Exact, les mauvaises informations. Tout comme, par exemple, je vais vous donner un exemple, c'est ça. C'est Mike Pence, le futur vice-président des États-Unis. Alors qu'il était gouverneur de l'Indiana, il avait sur son site une déclaration qui disait « On ne devrait pas utiliser l'argent du gouvernement pour essayer de trouver un remède contre le sida, mais plutôt un remède contre l'homosexualité. » Là, on a la trace. Okay. Oui, ils ont la trace. Un break de cet imbécile. Et voilà. Ça, c'est un exemple d'un orgasme. Oui, il va avoir une forme d'éthique, comme par exemple, je me souviens quand il y a eu Columbine, on pouvait voir dans les 24 heures suivant le massacre la page web d'un des deux tueurs, sa page personnelle qui parlait notamment d'Halo, jeux vidéo, etc. Est-ce que, puis après ça, la page a été éliminée, a été détruite pour toutes sortes de raisons éthiques et morales. Est-ce que ça le conserve, ces pages? Ça, j'ai pas eu cette information-là. Quand j'ai dit ça, j'ai dit, c'est pas tes affaires, hein. OK, ouais. Pas de tes affaires. J'ai pas eu cette information-là. Sauf que, en ce moment, pourquoi ils se font parler d'eux? C'est parce que ils sont basés à San Francisco, puis ils sont pas à l'abri de, par exemple, catastrophes naturelles ou des inondations, tremblements de terre, ou bien même d'un décret gouvernemental, tu sais, qui pourrait peut-être venir d'un futur président des États-Unis. Donc, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est des copies de leurs 456 milliards de pages web et aller installer ça où? Au Canada. Alors voilà, il va y avoir un deuxième site de Wayback Machine qui va être au Canada, qui va avoir les mêmes pages qu'il y a aux États-Unis. C'est pas les mêmes lois, donc c'est ils ça. Vont pouvoir se permettre des choses qu'ils peuvent pas aux États-Unis. Exactement, voilà. Ça, c'était mon orgasme de la semaine. Astite cave de... Excuse, il vient de nous couper comme un astite cave, lui, le douchebag. Excuse-moi. Qu'est-ce qui se passe avec ces chars-là? S'il y a un piéton qui arrive de nulle part devant le char, il y a tout le temps de réagir, le char. Oui, s'il fait exprès de vouloir se suicider devant les roues, tu sais, il se pitche devant nous, là. Ouais, il va être déçu si ça s'arrête sec. Ah, ben oui. Si ça s'arrête sec. Ouais, on est-tu attaché dans ces chars-là? Sûrement, ben oui, voyons donc. On regarde, là. C'est vrai, hein? Quelqu'un qui fait exprès vouloir faire les accidents. Hein? Je me suis pas attaché, moi. Check ça, Christian, là, sur le tableau de bord, là. Ah ouais, c'est les flics, eux autres, ils vont donner des tickets à qui? aux compagnies de charge, je sais pas. Fait que ton orgasme avant que je casse la gueule, le douchebag là-bas, là, qui a fait. Mon marasme, tu dis? Oui, son marasme. Ton marasme, ouais, excuse-moi. Ouais, ça, c'était mon orgasme. Mon marasme, je vais appeler ça Bill Morneau, troisième partie. Hey, Bill. Hey, Bill! Eh bien, c'est tout simplement. Oui, que je suis en crise contre lui parce qu'il n'a rien fait cette semaine pour que je puisse parler contre lui. Alors voilà, ainsi se termine la saga Bill Morneau. Moi, j'aime beaucoup son nom de famille. Morneau. J'en parlerai plus, je vous promets. À moins qu'il fasse une autre niaiserie. Peut-être qu'il nous écoute. Ouais, peut-être. Tu viens de dire qu'il nous écoute. Il serait deux. Ouais, ben c'est ça, il paraît qu'il nous écoute. J'ai entendu dire quelque part. Fait que t'as fini ton. Ben, j'ai une bonne nouvelle à annoncer aussi, là. Mais je peux peut-être attendre. T'es enceinte? Non, pas encore. T'as un nouveau chien? Non. Ah ben, je vais le dire, tant qu'à. Ouais, vas-y donc. Eh bien, selon les derniers sondages Léger et Marketing, eh bien, notre auditoire aurait doublé dernièrement. On est rendu deux! Deux! Hey! Son nom s'appelle... Il s'appelle Sylvain Provost. Sylvain Provost! Est-ce reste avec nous autres? C'est quand même un de moins que le nombre d'animateurs. Sylvain! Ouais, et voilà. C'est bien, wow. C'était ma bonne nouvelle. C'est un gars ou une fille? Aux dernières nouvelles, c'était un gars. Ah, fuck. Je m'attendais pas à ça, qu'on ait au moins deux auditeurs après quatre émissions. On ça... a doublé, Sylvain. Ah, mon Dieu, mon gars. Ça commence à être intimidant, les mesdames et messieurs. Bon, je vais y aller avec mon marasme. Mon date. Mon marasme. Mon marasme, cette semaine, ça sera pas de parler des centaines et des centaines d'oies sauvages qui sont mortes au Montana le 28 novembre en atterrissant comme ça sur un lac acidifié par les excavations des mines. Non, non. Ce sera pas non plus de parler du fait que Fred Dubé, l'humoriste intéressant, a été sacré dehors de Radio-Canada par sa chronique sur le capitalisme sauvage. Ce sera pas non plus de parler de Martineau, Richard, je suis Charlie Martineau, qui poursuit un petit journal indépendant, le Ricochet, pour 350 000 $ pour diffamation. Ça sera pas non plus de parler de l'application de la loi anti-pitbull, finalement, qui a été appliquée, qui s'applique au détriment des propriétaires de pitbull et de tous les gens qui ont des chiens qui ressemblent de près ou de loin des pitbulls. Mon marasme, ça sera pas non plus de parler du massacre de plus de 10 000 personnes par l'Arabie Saoudite au Yémen, où il y a eu des millions de réfugiés et des millions de Yéménois qui vivent dans un pays maintenant sans électricité, sans eau, et le fait que les masses médias n'ont pas parlé, pantoute. Non, mon marasme, ça sera pas non plus de parler de la loi 122 à Montréal qui va être de limoger, d'éliminer le référendum citoyen, qui est le fait d'une participation démocratique, le fait que les citoyens qui peuvent s'affirmer sur certains projets montréalais. Non, c'est pas parler que ça sera, on pourra plus le faire. C'est non plus le fait de parler qu'en France, le pouvoir, le gouvernement ont cédé aux policiers le droit d'user de leurs armes, non plus, pas juste seulement pour se défendre, mais pour d'autres usages. Donc, la France qui se transforme tranquillement pas vite aux États-Unis, en USA, c'est pas ça par tout mon marasme. D'ailleurs, les États-Unis, mon marasme, ce n'est pas non plus de parler que le 8 décembre, on est rendu à 1079 personnes tuées par les flics. Mon marasme, ce n'est pas non plus de parler du fait que les flics en ce moment à Montréal sont payés plus de 60 $ de l'heure en temps supplémentaire à nous diriger dans les rues plein de comptes parce que le chef de police a dit que le jour, les policiers peuvent pas le faire parce qu'ils doivent continuer à faire un service à la population. Quel service? J'en ai absolument aucune idée. Mon marasme non plus, ce n'est pas parler d'un couillard qui se prend maintenant pour le sauveur du Québec, sauver quoi, je le sais pas. Va chier. T'es bonne, celle-là. Mon marasme, ce n'est pas non plus de parler des choix éthiques étranges de Martin Marthe de continuer à faire de la publicité pour Maxi, qui est une franchise de Loblaws, qui, on sait, a des paradis fiscaux. Mais j'imagine que Martin Marthe, qui est l'humoriste le mieux payé au Québec, a sûrement besoin d'argent pour ses fins de mois. Guillaume Wagner a écrit une excellente réponse contre cette décision capitaliste de Martin Marthe, que j'apprécie, soit dit en passant. Donc, je dirais, c'est pas non plus, mon marasme, d'avoir une discussion avec un copain sur Facebook sur, le conflit piéton-cycliste-voiture et de pouvoir, supporter ses argumentations étranges et culpabilisantes, par exemple, en disant que l'emportiérage est en partie responsable des deux côtés. Oui, mesdames et messieurs, vous avez bien compris, quand un cycliste se fait frapper par une porte ouverte comme ça, c'est un petit peu de sa faute. Mais faut pas chercher d'où vient la logique de cet argumentaire. Non, mon marasme, c'est plutôt de dire que cette semaine, en travaillant, bien, je me suis cassé un ongle, ça l'a fait mal, puis c'est chiant. Et si, ouais, je comprends. Et voilà. Mon orgasme! Mon orgasme! Cette semaine, en allant porter, en allant chercher plutôt mon fils à l'école, en revenant sur le chemin pour se diriger vers notre humble demeure, on a croisé deux flics sur leurs chevaux. Des parents qui étaient avec nous se sont arrêtés pour caresser les chevaux, les policiers parlant gentiment aux enfants. Moi, j'ai pris Romane par la main, j'ai passé tout droit, j'ai fait un beau sourire comme je peux le faire aux flics, donc je me suis retenu pour les envoyer chier, j'ai traversé la rue avec Romane et je lui explique pourquoi on s'est pas arrêté pour pouvoir caresser les chevaux. Et il a très, très bien compris qu'en 2012, les policiers utilisaient les chevaux pour foncer soit sur les journalistes comme Jacques Nadeau en les piétinant ou pour foncer sur les contingents où se trouvaient des enfants dans leur petite poussette. Non, non. Mon enfant a très bien compris que les flics, c'est des sales hypocrites et ils utilisent leurs chevaux à de mauvais escients. Papr, papr, papr! Bon, ok, c'est ouais, c'est bon. En parlant de, ouais, ben moi je vais revenir un peu sur ouais, Saint-Martin, Matt puis Wagner. Là. Moi des fois les humoristes me font chier. Ouais. Bon, c'est. Mais là, qui te fait chier, Wagner? Non, ou non, non. En fait, c'est comme je vais faire un. C'est quoi t'as fait chier? Je vais faire comment je pourrais dire un lien avec les policiers. Tu sais, les policiers, ça se tient en gang, mais les humoristes, c'est pareil, tu sais, ça va se protéger, puis des fois, c'est douteux, là, tu sais. Un humoriste, des fois, peut faire une connerie, puis au lieu d'être pointé du doigt ou d'être un peu critiqué par le reste de ses confrères, ben, il va comme avoir une ostracisation. Ben, le pardon de la gang, là, ou ben, ils diront rien, mais, puis... Bon, on a vu que Fred Dubé a été énormément soutenu par ses collègues humoristes, hein. Ouais, mais lui, c'est un jeune, fait que, tu sais, peut-être qu'il y en a qui le regardent de haut. Mais quand t'écoutes ses chroniques, qui est payé 150$ pour ses chroniques, je me demande, Martin Matt était payé combien pour ses publicités, lui? Mais bref, Fred Dubé, écoutez-le, c'est génial ce qu'il dit. C'est une espèce d'humour de gauche révolutionnaire qui fait énormément réfléchir. Mais je trouve pas qu'il est si génial que ça. Ben, il est intéressant parce que c'est un humour différent, il parle pas de couple. Il parle pas d'enfants qui chantent mal. Ça, je suis d'accord avec toi. Ok, il est engagé. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais sauf que il va pas dans le détail. Pourquoi c'est un humoriste quand même. Ok, c'est correct. C'est un humoriste. C'est correct. Il reste dans une forme de superficialité, mais c'est ça que j'allais dire. Il dénonce. Il faut qu'il reste superficiel. Je trouve ça facile. Ah ben j'ai pas vu son spectacle. Je sais pas à quel point son spectacle est plus profond que ses chroniques. Ses chroniques, il y a genre 8-7 minutes. J'ai vu sa dernière chronique. Pourquoi il s'est fait mettre dehors. Je l'ai lu là. Puis je trouve pas que, bon, je trouve pas que c'est très profond, là, comme, c'est juste dénoncer, capitalisme dur, le capital, tu sais, tu comprends, mais juste dire ça, mais c'est pas dire pourquoi, lui, ça l'affecte, c'est pour ça, en tout cas. Mais vous, quelqu'un a dit que, ben c'est ça, ces chroniques qui passent des fois dans le journal 24 heures? Non. Ou le métro? Ouais, je pense que c'est Métro. Métro, il écrit une chronique sur Métro par rapport à Martin Matt. C'est vrai, il écrit ce qu'il pensait de la décision de Martin Matt de faire ses publicités. Okay, mais lui, il y a de quoi... c'est une fois par semaine, je pense, qu'il écrit là-dedans. Mais bref, Fred Dubé, je prends pas moison devant lui, mais je trouve que c'est un humour rafraîchissant par rapport, par exemple, à... Comment il s'appelle celui qui a des petites mains, là? Peter McLeod. Comment il s'appelle celui qui fait Madame, tu sais là, genre c'est qui niaiseux? Michel Langtille, non? Michel Langtille. C'est Kim Cave. L'esti d'humour de Rive-Sud attardé, je suis pas capable pantoute. Mark Ward, je l'aime, mais en même temps, je trouve que c'est un esti d'humour attardé, ça avec. T'sais. Ouais, c'est un imbécile. Là. Comment il s'appelle celui là qui a pas de cheveux là, qui dit comment? Guinantel? Non, Guinantel. Il s'est engagé. Ouais, plus ou moins Guinantel. C'est plus, je trouve qu'une Guinantel, c'est plus un opportuniste. Pierre Légaré. Ouais, lui, il fait plus rien. Mais personne ne surpassera. Yvon Deschamps. Le king du king. Ouais, mais Yvon Deschamps, lui, c'était vraiment subtil. Parce que lui, il riait de lui pour dénoncer un peu ce qui se passait dans la société. Tu sais, il passait par lui au lieu de... Ouais, mais il a fait des controverses un peu. Ouais, par Il allait loin choses, des fois, hein. il était hardcore, mais ça, à cette époque-là, tout passait avec ça lui, passe. C'est dingue. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, il y a plus rien qui passe. Il y a des psycho-éducateurs, il y a des ci, il y a des ça, mais il faut faire attention à n'importe quoi. Bon, bref. OK, c'est à moi, mon orgasme, mon marasme. Bon, moi, ce segment-là, il va commencer mal par le marasme, mais il va bien se terminer par mon orgasme. Depuis un certain temps, je suis accro, ben oui, à certaines vidéos sur YouTube. Qu'est-ce que tu veux, c'est ça. C'est des vidéos qui vont toutes traiter du même sujet. Ils ont toutes la même structure, c'est de courte durée, puis ça s'attarde sur un cas. On pourrait dire petit chat, mais c'est plus sur les chiens. C'est des chiens abandonnés, des chiens affamés, malades, où est-ce qu'ils ont des masses monstrueuses sur leur corps. Ça peut être une tumeur horrible. Ça peut être un chien qui est mangé vivant par des vers. Ça peut être des chiens super squelettiques. C'est des chiens maltraités. Il y en a un autre, ça peut être torturé. Et souvent, sont aux portes de la mort. C'est le marasme là-dedans, c'est affligeant de les voir si tristes dans cette condition. Souvent, ils vont se cacher pour mourir. Ils s'en vont, des créatures inoffensives, vulnérables, puis tu vois qu'ils ressentent une tristesse profonde par rapport à leur état. Pourquoi est-ce que j'écoute ces merdes? C'est parce que, avant, je vais juste dire, si j'espère que vous avez pas mangé ou que vous allez pas manger bientôt, ou que vous mangez pas, je vais juste faire mangez donc de la marde. Une énumération des pires. Il y en a un, il y a un chien qui a un visage bouffé par les vers, là, c'est horrible, il y a tout le visage complètement... Un chien noir et châtain, genre, un petit chien avec des oreilles pointues? Il est noir, puis on dirait qu'il n'y a plus d'œil. Oui, il manque un œil. C'est tout ouvert. Tout son visage est ouvert. Bon, il va revenir avec ton orgasme. Il est où, ce chien-là? C'est Portugal, je crois. Il y a l'Espagne, je crois. Non, mais il traîne-tu dans la rue? Il est dans une clinique vétérinaire. Non, c'est souvent des chiens abandonnés. C'est ça, la vidéo commence avec l'équipe qui vont... on a eu un appel de tel chien, tu sais. Puis souvent, ce chien-là qui est abandonné, il s'est comme isolé à quelque part, puis il est là pour mourir ou parce qu'il est comme un oiseau. Pourquoi? Fait que il y en a d'autres ici, des chatons ébouillantés, un chien avec le crâne ouvert, un chien qui a été étranglé puis que sa tête s'est devenue aussi gros qu'une grosse citrouille. Attends, il est récupéré. Puis un pitbull, genre, qui a été un appât pour d'autres pitbulls, puis que ça toute sa peau est arrachée, sa mâchoire est arrachée. La raison pour laquelle j'écoute ça, puis c'est un orgasme, c'est que ces petites vidéos-là se terminent de la plus belle façon. Ça commence toujours, il y a toujours un avant et après. Fait qu'on voit les chiens dans cet état horrible. Là, après, on décrit un peu leurs blessures, les maladies, on les montre de proche. Puis il y a des brefs moments où est-ce qu'on voit la guérison. Et la fin, c'est des petits miracles, là. Tu sais, ils sont heureux, c'est des chiens heureux qui sont comme complètement rétablis. La plupart vont trouver des foyers, puis ils reprennent goût à la vie. Puis c'est super jouissif. Puis ce que j'aime aussi, c'est ça, c'est un petit côté un peu bizarre chez moi, mais j'aime voir la... Comme le chien, quand il se fait soigner pour son visage, là. On voit l'opération. On voit l'opération, là, on voit les pansements. Puis moi, on dirait que j'ai le goût d'aller gratter sa blessure. Lécher l'orbite. Moi, j'ai le goût d'aller lécher les petits... Suppurantes. Les petits vers de terre qui se retrouvent. Moi, j'aimerais ça voir la structure, la subvention, les employés qui travaillent dans ces organismes-là, parce qu'ils doivent rusher au niveau, des finances puis de l'argent, parce que c'est du monde qui se sacrifie pour leur cause, là. Il y a Hope for a Pause, ça, je pense, américain. Patrouille. Animal Aid, tout ici Portugal, mais je sais pas, ça fait pas mal indien, je trouvais que ça fait... Oui, il y en a un en Inde, en effet, ouais. Puis, c'est ça, c'est voir, comme tu dis, Marc, tu disais, coudonc, on va pas les euthanasier. Tu vois que ces humains-là, ils disent non. Ils essaient, ils mettent toutes les chances de leur côté. Puis ce que ça donne, là, c'est complètement malade. Combien qu'en euthanasie sur ceux qui sauvent, tu sais? Je sais pas, mais au moins, de voir ce qu'ils peuvent faire avec un cas aussi horrible, je pense qu'ils peuvent en sauver pas mal des vies. Ça sent un peu le sensationnalisme pareil. Regardez le nombre de pathétiques. Sur VTL, il y a une émission qui s'appelle Ambulance animalière. Puis c'est une télé-réalité où est-ce qu'il y a un caméraman suit ce qui arrive tous les jours avec cette ambulance-là. Ils vont chercher des animaux, etc., qui sont malades, puis ils l'amènent dans les cliniques. Mais ça me fait penser, ça, il doit pas en avoir beaucoup, l'ambulance animalière, parce que quand mon chien est mort, la première chose, ma blonde l'a dit, là, quand mon chien tombe à terre, elle dit « appelle l'ambulance animalière! » Bon, tout de suite, j'ai pensé, je dis, ça sera pas ici avant 3h, 4h, puis j'appelle ça où, l'ambulance animalière, tu sais. On voit ça à VTL, je savais même pas que ça existait. Okay. Ça existe, et voilà. Ça n'a pas causé de scandale chez les petits Québécois qui vont t'offusquer qu'il y a du monde qui crève de faim et qu'il y a quand même une ambulance animalière. Genre des animaux qui sont mieux traités que des humains. Ça m'énerve, ce discours-là. Calvaire que ça m'énerve. Ouais. OK. Parce que c'est comme tu dis, les animaux sont vulnérables dans ce que les humains peuvent prendre soin d'eux eux-mêmes. Ou bien, en tout cas, quand tu as une attaque cardiaque, c'est rare que tu peux prendre soin de toi-même. Oui, c'est vrai. Mais l'ambulance t'a payé, puis l'ambulance animalière, tu dois payer aussi, tu sais. Sûrement. Ça doit être cher. Puis, OK. Marc Latrémouille, Sieur Latrémouille. Oui. Monseigneur Latrémouille, vous avez quelque chose à nous dire? Ben, c'est-tu ma chronique, mon bulletin météo? Ben, ça serait le fun de savoir si on va pogner un accident à cause d'une tornade. Oui, c'est ça. Et tu as une amie qui se prépare? Tempête de neige? Ouais. Ben, en ce moment, il y a l'air à neiger, puis on dirait que la neige s'accumule sur le radar en avant qui est en train de détecter la route. Ça va pas très bien, là. Mais pour le podcast, ça serait le fun, un accident, par contre. Ah, ben oui. Ben, OK, ben... Avec un mort, c'est-tu? Ouais. Écoute, moi, ben, j'ai décidé pas de faire un bulletin météo parce que je trouve que ça manque dans ce podcast. Fait que, ben, tu vas être un peu déçu, j'allais dire Stéphane, je sais pas pourquoi. Je t'appelle Stéphane Christian. Ben, ce sont pas des prévisions météo sur les températures des prochains jours ni des prochaines semaines, mais bien des prochains siècles. Mon inquiétude a grandi lorsque j'ai appris que les changements climatiques ont causé une hausse de 12 degrés au-dessus de la moyenne en Arctique pour le mois de novembre 2016. Vous m'avez bien compris, 12 degrés. Donc, pour les prochains 84 ans, on risque d'avoir une augmentation de la température moyenne de 5 degrés Celsius sur l'ensemble de la Terre, ce qui entraînera une augmentation du niveau de la mer de 12 pouces. L'Afrique de l'Ouest, le sud de l'Europe, l'Amérique centrale et l'Est des États-Unis manqueront d'eau douce à cause des augmentations des sécheresses. Bon, ici, le Québec pourrait servir de réservoir pour la planète parce que de l'eau douce, nous, ici, on en regorge, mais... Bien sûr, le tout, c'est si les futurs gouvernements québécois ont une vision de l'avenir en ne laissant pas le contrôle aux entreprises privées. Sauvons le Québec! Pour les prochains siècles, soit dans 1000 ans, disons, les glaces auront complètement fondu au Groenland et en Antarctique, ce qui aura entraîné une augmentation du niveau des océans de 6 mètres, 20 pieds. Mais ne vous en faites pas, ces scénarios catastrophes de l'augmentation exponentielle de la température de la planète risquent de s'arrêter dans 5000 ans. Car nous sommes présentement dans la période de l'Holocène, c'est-à-dire entre deux périodes glaciaires. Les périodes glaciaires durent environ 80 000 ans, puis l'Holocène, elle, dure en moyenne 20 000 ans. Et comme ça fait 15 000 ans que les dernières glaces qui couvraient l'Amérique du Nord ont fondu, eh bien, faites le calcul! Et si le passé est garant de l'avenir, attendez-vous à avoir des glaces épaisses de 1 km au-dessus de vos têtes d'ici 5 000 ans. Ah, fait que ça va, mes enfants vont-ils être morts là, dans 5 000 ans? Peut-être pas, parce qu'on va avoir découvert la pilule qui rend... L'application. L'application? L'application sur l'iPhone qui permet de... Vivre éternellement? Ouais. Ah, je pensais que ça allait être une pilule. Non, t'as raison, c'est sûrement une application qui va être inventée. Mais grâce à ta chronique, je vais décider de changer le titre du podcast Xisopod à Suicidons-nous. Ah. Non, mais il y a Stephen Hawking qui a dit que l'espèce humaine avait un taux de survie de 500, si je me trompe pas, c'était 500 ans. Il disait que dans 500 ans, les humains, il n'y en aura plus. C'est fini. Ouf. Ben, attends, James Burke est un historien scientifique puis un philosophe à ses heures. Il disait que d'ici 50 ans, on n'en parlera même plus du réchauffement de la planète. Ni des changements climatiques parce que au point de vue technologique qui augmente tellement d'un niveau exponentiel, on va être rendu dans la nanotechnologie, on va avoir réussi à quoi? Stopper le problème. Ça tue quasiment le climato-sceptique à un autre niveau, ça, là. C'est qui, lui? James Burke. Mais... C'est un homme intelligent? Il doit avoir été très, pour très, très intelligent. Non, pas du tout. Il est complètement dans l'euphorie, lui, là. Non, il est pas dans le scepticisme, là. Il croit au changement climatique. Il sait que... OK, mais ta nanotechnologie, ça va affecter juste les biens nantis. Les pauvres vont-tu pouvoir s'appayer, là? La nano... Oui, ça va être mondial. Fait que... Oui, faites-en pas. Ça va être mondial. On va pouvoir se le payer nous-mêmes, vu que ça va être réglé, ça. La nanotechnologie, ça veut dire à la grosseur de l'atome. Ça va être rendu à un niveau tellement... Mais ça existe déjà. Il y a beaucoup de compagnies qui financent, qui sont financées de plus en plus dans cette nouvelle technologie-là, qui a beaucoup d'avenir. En tout cas, s'il y a un avenir. Et voilà, comme tu dis, un avenir. Et juste pour terminer ma chronique météo, ben justement, étant donné que ma chronique la semaine prochaine ne changera pas, tu sais, les prévisions météo vont risquer de rester les mêmes, je pense pas que je vais en faire une autre chronique météo. Ben, tu nous en feras une autre. Ben, ça risque d'être la même prévision. Non, mais je veux dire une autre chronique. Ah, oui. Mais une autre qui va faire dire à mes enfants, en fait, que je vais dire à mes enfants. Et si, moi. Tu veux encore recommencer? Non, 3, 2, 5, 4. Non, moi, j'aime pas la perfection. Mais tu vois, j'aime ce qu'à mes enfants. Je te regarde, là, puis, ouais. J'aime pas les enfants. Je veux dire, c'est pas ça que je veux dire. Quelque chose qui va me faire, qui va faire en sorte que je dise à mes enfants plus tard, ne faites pas d'enfants. Ouais, mais c'est chiant pareil de dire ça, c'est kid. Ben, non, je vais pas leur dire, mais je veux dire, je vais pas les encourager à en avoir ça. Non, en fait, c'est que ce que je veux pas faire, je veux pas les décourager, mais je veux pas faire mon père, mon parent qui dit « Je veux être un grand-père, je veux avoir des petits-enfants, c'est cute! » Il y a une forme d'égoïsme là-dedans, je trouve. Fait que je vais pas les décourager, mais je vais pas non plus rentrer dans le beat « Hey, faites-moi des enfants, là, faites-moi des petits-enfants, là! » Comprenez? Je veux pas être raciste, là, mais je te dirais que oui, en partie, mais je te dirais qu'il y a des pays où est-ce que ce genre d'argument-là a beaucoup plus d'importance qu'au Canada. Au Canada, on souffre pas de surpopulation. Il y a des pays, si je serais indien, je dirais ça à mes enfants. « Asti, fais pas de kids. Si je serais en Chine, je dirais « Fais pas de kids. » T'as-tu compris? Il a dit « Si je serais. » Ouais. « Si je serais. » Ouais, t'as dit « Si je serais. » Les si n'aiment pas les raies. Ah. Si j'étais. Mais... Attends, mais... Oui. Mais pourquoi toi tu dis qu'ici au Québec faudrait en faire? Il y a pas de problème non, je dis pas qu'il faut en faire, c'est qu'il faut pas trop décourager ici, il y a pas de problème démographique. On se fout du problème démographique, moi je parle du monde dans lequel on va enfanter les gens. D'ici 50 ans, la population va commencer à se stabiliser au lieu de toujours être en augmentation parce que justement présentement c'est... à cause de la nanotechnologie. Non, parce que même les pays d'Afrique, quand j'étais jeune, il y a 40 ans, là, ils étaient extrêmement pauvres, donc ils faisaient beaucoup d'enfants pour pouvoir, avoir du plaisir sexuel. Avoir du plaisir sexuel, ou bien pouvoir continuer à travailler sur les terres que leur père est en train de labourer. Bref, tout ça pour dire que plus on devient confortable monétairement, plus, tu comprends ce que je veux dire, ce que les pays d'Afrique deviennent de plus en plus, plus on commence à faire moins en moins d'enfants. Ah, okay. Et c'est éprouvé, ça. Donc, ça risque d'être... excuse-moi, je termine là-dessus. Non, c'est correct. 650 ans, on risque de se stabiliser autour de 11 milliards de population. 11 milliards? Ouais. J'aime ça, Marc, ce que t'amènes. Il t'a une forme de positivisme, un optimisme. Hey, j'aime à ma droite et à ma gauche. Tout à fait le contraire. Ben, je dis 11 milliards, mais avec ton application iPhone là, sur la vie éternelle, là, ouais. Ben, là, ça risque d'augmenter. Tu sais, c'est pas un site témoin de Jéhovah, ça? Non. En parlant de vie et de mort, c'est le temps de saluer nos Maccabées. Notre chanson. Allons. Saluons nos Maccabées. Saluons nos Maccabées. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. T'as pas pris la tune? Je te l'ai envoyé par courriel. Ah, merde. Bon, c'est le temps de saluer nos Maccabées. Puis finalement, c'est ça, j'ai décidé de pas prendre des Maccabées qu'on connaissait parce que tout le monde en parle dans les médias. Hein? Est-ce que ça vous tente vraiment de parler de Fidel Castro? Non. Je sais même pas si. Tout le monde en a parlé. C'est vrai, tout le monde en a parlé. Fait qu'on va y aller avec des inconnus, mais peut-être que lui, tu le connais, Marc Témoin, parce que ça fait référence à une de tes chroniques de la semaine, il y a deux semaines. Connais-tu Yuri Mikhailovich Ilyasev? Je sens qu'il y a un autre nom. Un surnom ou un. Ben non. Yuri Mikhailovich, quel pays? Russie. Ouais, donc il joue aux échecs! Oui! Il est décédé à 20 ans. Et six mois. C'était déjà, il y a eu comme titre le grand maître international depuis 2013. Il a eu à 17 ans et champion de Moscou en 2015. Yuri était le 10e junior mondial et le 39e joueur russe en novembre 2016. Et le 26 novembre 2016, vers 22h30, il tombe du 12e étage de son immeuble en essayant de grimper depuis sa fenêtre jusqu'à un balcon voisin en s'entraînant au parkour. Ah, bon. C'est quoi le parkour? Ben, tu sais, c'est quoi? C'est sauter d'un truc à un autre. Ça pend beaucoup aux États-Unis, en Russie, cette affaire-là. Une activité physique, là. Tu sautes comme un super-héros de balcon en balcon. De toit en toit. En Russie, on peut trouver beaucoup de photos de jeunes là, qui vont dans des édifices très, très élevés, des tours ou des choses comme ça, puis ils se prennent en photo, là, puis ils sont dans des endroits extrêmement, extrêmement, extrêmement élevés. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ce style de spao, là. Parcours, je viens de le dire. Parcours. Oh, mais les autres, ils sautent pas de balcon en balcon, ils montent dans des endroits interdits. Où... L'escalade? Ouais, mais bref. L'hockey? Mais donc, il est mort. Désolé. Ça, c'était le plus jeune. Le plus vieux, c'est Adolf Burger, né le 12 août 1917 à Velkalomnitka. Puis là, j'essaie pas d'insulter les gens quand je prononce comme ça. J'essaie d'être le plus juste possible. Ouais, il est mort le 6 décembre à Prague, à 99 ans. Puis c'est un imprimeur juif slovaque devenu écrivain et journaliste suite de son implication dans l'opération Bernard. Vaste entreprise de faux monnayage destinée à déstabiliser la livre sterling menée par le Troisième Reich avec l'aide des prisonniers des camps de concentration pendant la Seconde Guerre. Il s'appelait Adolphe. Ben ouais. On le salue bien bas. Il y a beaucoup on de le salue bien bas. T'es-tu antisémite, toi? Salut le haut. Hey, ben, ça me fait penser à trois choses, ça. Je sais pas si tu en parlais. John Glenn, il est mort il y a 2 jours. Le premier astronaute américain à faire le tour de la Terre. Et puis, okay. L'astronaute le plus vieux à avoir été dans l'espace à 77 ans. Okay. Une quinzaine d'années. Il est mort, peut-être plus qu'une quinzaine d'années. En tout cas, bref, il avait 95 ans. Ça me fait penser à ça. Deuxième chose. C'est allé dans l'espace à 77 ans? Oui, à 77 ans. Christ. C'était le plus vieux. Deuxième chose que je voulais dire. Aujourd'hui, on est le 8 décembre, hein, c'est ça? Oui. Aujourd'hui, Kirk Douglas, l'acteur américain, fête son 100e anniversaire de naissance. Wow! As-tu vu une photo de lui? Non, j'ai pas méconnaissable. Méconnaissable. Ah, ça doit. Mon frère, il nous a envoyé une photo sur Facebook à un moment donné, puis il fallait guesser c'était qui. Puis habituellement, je les ai tout le temps. Puis lui, j'avais pas eu, je pense. Kirk Douglas. Je sais pas. C'est le seul, j'avais pas eu. C'était surtout pour envoyer un extrait de la lettre qu'il avait écrit par rapport à sa crainte que Trump soit élu. OK. Puis il espérait, avant de mourir ou avant sa fête, que Trump ne gagne pas. Fait qu'il va probablement mourir très bientôt. Calvaire. Le 27 janvier, genre. Puis la troisième chose que je veux parler, mais tu viens de me faire penser avec ta petite chronique, là. Ouais. Petite chronique. Ouais, ta chronique nécrologique. En vrai, ça gratte. Pourquoi? Une petite chronique. Une petite chronique, ça gratte. Ouais, c'est ça. Il y a 6 mois, ma sœur, elle disait, regarde cette émission-là sur History Channel, puis j'ai essayé de le regarder sur YouTube, j'ai essayé de le pogner, puis je le pognais pas. Je vais vous dire c'est quoi le titre de l'émission après ça. Et puis après ça, j'ai essayé sur le site de History Channel. Ils n'avaient pas ces émissions-là. Puis là, dernièrement, ma sœur a dit, je l'ai trouvé il y a 2 semaines sur Dailymotion. Allez voir ça. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi. Ouais, parce que ta sœur... En 2014, le président des États-Unis fait un décret comme quoi certains dossiers du FBI et de la CIA pouvaient être libérés et que le public pouvait voir maintenant des anciens dossiers secrets qui datent de 70 ans, fin des années 40, sur le fait que Adolf Hitler ne se serait pas suicidé en Allemagne, mais aurait été vivre en Argentine. Et puis, justement, ouais, mais c'est oui, ça. On s'en est pas, ouais. L'émission, ça s'appelle Hunting Hitler. C'est pour ça, ça me fait penser un peu à ta chronique. Ouais. Là, tu parlais d'Adolf Hitler et de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai regardé les 7 premiers épisodes parce que c'est plus qu'un documentaire, c'est vraiment tourné d'une manière télé-réalité. C'est là où je mets un bémol à cette émission-là. C'est intéressant quand même. Ils vont à des endroits où est-ce que il y avait justement une continuité du Troisième Reich, des anciens nazis qui ont débarqué en Argentine, puis même pendant la guerre, où est-ce qu'il y avait des grosses communautés allemandes en Argentine. Ils essaient de suivre. Tel trajet qu'Adolf Hitler aurait suivi jusqu'en Argentine, puis c'est quand même plausible. Comme je dis, là où je mets un bémol, c'est que c'est tourné comme en télé-réalité, puis ou bien l'émission qu'il y a, Amazing Race. On dirait qu'ils sont toujours en course, toujours quelque chose. Tu connais pas Amazing Race? C'est un couple, c'est 2 personnes qu'il faut qu'ils aillent à tel endroit, puis le plus vite possible, puis celui qui arrive dernier, ben il est éliminé. Après ça, c'est comme l'émission de Hunting Hitler, c'est il y a 2 gars, Bob Baer, c'est un ancien agent de la CIA, qui en passant le film Syriana avec George Clooney, il personnifie Bob Baer, okay. Grandement inspiré de lui. Bon, ben lui justement, cette émission-là, il est à Los Angeles avec un acolyte, puis il dirige du monde à Berlin, puis il dirige du monde en Argentine. Puis on dirait que c'est quand même, comment je peux dire ça, arrangé avec le gars d'EV. On dirait qu'il y a du montage. On dirait que c'est pas tout réel. Okay. On dirait que c'est, ouais, c'est ça. Mais c'est quoi le mot que tu avais dit tantôt quand on parlait des petites vidéos de chiens populistes? Petite chronique? Non. Tu trouvais que ça avait un goût trop, justement, ça voulait plaire. Trop bonbon, rose bonbon. Oui, on dirait que ça veut plaire. Puis, à un moment donné, Denis, je regardais l'épisode sur mon ordinateur dans la chambre en haut, puis ma blonde, elle dit « Hey, c'était que toutes les émissions en même temps. » Je dis « Non, pourquoi? » Elle dit « Descends en bas et continue à faire jouer ton truc. » Là, t'entends du monde parler, puis t'entends la musique « Boboum, boboum, boboum. » Tu sais, il y a un montage super gros avec la musique qui met une ambiance incroyable, qui... Ben, ça me donne une idée, ça, prochain podcast, on va l'enregistrer directement de l'Argentine. OK. Puis imagine si... Adolf Popperait, là. Il serait à 127 ans, lui. Mais il a eu son application. Ça me ferait ce genre de documentaire-là parce que ça crée ça inspiré d'un mythe urbain. Oui. Ça le nourrit en faisant semblant d'être scientifique et structuré, que ça fait des recherches. Sauf que, la plupart des historiens sérieux sur le sujet vont dire que c'est de la foutaise totale. Premièrement, si on fait juste regarder le personnage d'Hitler lui-même, c'est un personnage dans les derniers moments de sa vie dans son bunker qui était extrêmement instable psychologiquement, qui était un mégalomane qui perd dans 99,9% du temps, va se suicider. Comme un tueur de masse qui s'en va dans un endroit, qui massacre tout le monde, va se suicider. Donc, juste au niveau de sa personnalité, c'est complètement irréaliste que le mec se soit sauvé. Ça fonctionne pas du tout avec la personnalité du personnage. Ben, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Mais ça peut être intéressant comme émission de fiction, on va dire. Sauf que tu dis documentaire, c'est même pas un documentaire, okay. C'est vraiment une émission, c'est vraiment, gars, C'est comme un show, non? C'est un show, je suis rendu à la 7e épisode, tu sais, saison 1, parce qu'une saison 2, tu vois, Ben oui. Tu nourris ça, toi? Ben, ça part d'un fait véridique, où est-ce que le FBI et la CIA, pendant des années après la Deuxième Guerre mondiale, ont fait les recherches sur ce mythe urbain-là. Donc, ça part de là. Okay. Tu sais, ça part d'un, ils disent de sources crédibles. Sauf que, j'ai oublié ce que je voulais dire. Sauf que... chronique. Ta sœur. Nanotechnologie. Ah oui, c'est ça. Bill Morneau. Oui, je sais. Je sais ce que je voulais dire. Sais-tu qu'est-ce que je pense, moi? Ma sœur, elle dit, je dis, ben, je suis pas encore convaincu. Parce qu'à un moment donné, ils disent dans un épisode, ils disent, chaque, bon, il est là avec le mot dictateur, avait ses sous-y pour se protéger. Et peut-être, justement, que les anciens nazis qui sont été vivre en Argentine ont voulu repartir un quatrième Reich, mais peut-être avec un des sous-y d'Adolf Hitler. Il y aurait ça qui aurait de l'allure. Mais on n'a jamais entendu, par exemple. Non, on dirait que c'est comme mort de sa belle mort. Il y a eu une continuité, puis d'un coup, il y a eu un break, il n'y a plus rien eu après. Y a-tu des interventions ou des entrevues avec des historiens crédibles et reconnus sur la Deuxième Guerre mondiale dans cette émission-là? Avec des témoins de l'époque. Okay. Qui aurait peut-être entreperçu Adolf Hitler. Puis même, Bon, je peux pas parler de tous les épisodes, là, mais par exemple, l'Espagne, à l'époque, se disait neutre parce qu'ils avaient passé par une guerre civile avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils disaient neutre, mais ils avaient été aidés par Adolf Hitler. Là, ben oui, c'est l'extrême droite en Espagne. Ouais, Franco. Fait que Franco était supposé être neutre, mais on s'aperçoit en faisant des fouilles qu'ils avaient des bases, les nazis avaient des bases militaires là-bas pour envoyer leur U-boat, leur sous-marin un peu partout dans le monde. Puis ils finançaient Franco, le gouvernement franquiste. Et puis voilà, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant, alors que c'est un pays qui se disait neutre. Puis la seule manière de pouvoir s'enfuir de l'Europe, c'était en passant justement par l'Espagne. Mais là, tu vas-tu continuer à l'écouter, cette émission-là? Oui. Bon, tu nous en reparleras. Parfait. J'ai compris! Ben non, tu nous en reparleras. Fait qu'on va sauter du coq à l'âne, puis... Ben, c'est ce que j'avais appris cette semaine. Et on va sauter la chèvre. Non. Il faisait cette section, qu'est-ce qu'il y avait à appris? Oui, c'est ça. T'as intéressant. Moi aussi, d'abord, je vais sauter dans la mienne, ce que j'ai appris. Vous connaissez tous... Sylvain! Est-ce que vous connaissez Gaston... C'est qui, Sylvain? C'est notre auditeur. Oui, on ne t'écoute pas quelque part. Qui connaît Gaston Leroux? Gaston Leroux. Gaston Leroux, non, pas Leroux. Gaston Leroux. Non, Gaston Leroux, c'est celui qui a écrit Le fantôme de l'opéra vers 1910-1911. Eh bien, savez-vous qu'après, bon, il y a eu une comédie musicale qui a commencé en 1986, je crois. Oui. Ben Palma aussi. Oui, mais là, je parle de la comédie musicale, tu l'as vu où? À Ottawa, début des années 90, lorsqu'elle faisait une tournée mondiale. Okay. Je pense que je l'ai vu à Ottawa. Bon, ben, elle joue à Londres depuis 1986, puis a été jouée dans plusieurs pays. Gaston Leroux, ben, il a écrit à Paris cette pièce-là, parce que, bon, je pense que c'est un Français. Ben, c'est un texte-là, au début, c'était pas une pièce, mais c'était un texte, puis il y a eu des films, il y a eu des adaptations. Mais Le fantôme de l'opéra n'a jamais été joué à Paris. Jamais. Wow. Alors que l'histoire se déroule à l'Opéra Garnier. Ben ouais. Pourquoi est-ce que ça a été jamais joué? C'est parce que, bon, on dit que le spectacle est un véritable défi technique. Il n'y a aucune scène parisienne qui a la capacité d'accueillir une telle machinerie. Mais, dernièrement, le théâtre du Mogador s'est équipé en conséquence et le 13 octobre, ça va être la première à Paris du fantôme de l'opéra. J'imagine le prix des billets, toi. Attends, c'est pas terminé. C'est-tu la comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber que tu parles? Ouais, mais je pense que oui. Mais partout où la comédie musicale du fantôme de l'opéra est jouée, d'étranges phénomènes surviennent. Le théâtre Mogador est la dernière victime en date parce que le 25 septembre, il y a eu un incendie et le spectacle est annulé. Les gens ont été remboursés. Puis, on sait pas qu'est-ce qui se passe, mais il est fermé pour l'année. et le show est reporté. Wow! Je me demande qu'est-ce qui s'est passé à Ottawa. Il y a eu Justin Trudeau, là. Un angle incarné qu'il y a eu, peut-être. Mais, ouais, Justin Trudeau, mais c'était bien, ouais, c'est ça, c'était... Ah, c'était grandiose, c'était ma première comédie musicale qui... Ça jouait sur Broadway, ça. Hein? Puis j'ai été impressionné par le grand chandelier qui commence sur scène avec la vente aux enchères, puis il disait, et voici le lot 666, numéro 666, qui a causé un accident lorsqu'il s'est effondré sur le stage. Puis là, d'un coup, il y a comme la magie du théâtre qui fait qu'on retourne dans le passé, et ce chandelier-là qui est sur stage, il se met à monter jusqu'au plafond. Là, tu fais, aïe, aïe, c'est vraiment grandiose. Mais puis bon, les accidents, c'est-tu? Ouais. Puis il tombe dessus. Oui, à un moment donné, il tombe justement, parce que tu retournes dans le passé, puis là, tu vois qu'il est le théâtre est tenté par le fantôme, puis à un moment donné, le chandelier tombe sur la scène. Waouh, c'était vraiment quelque chose. Puis il y avait aussi, ouais. J'avais été impressionné. C'était vraiment très, très, très, très bon. Le temps file, les amis. Schizopode arrive à sa fin, mais avant de vous laisser à ce monde pourri. Mais attends, je vais juste dire une chose que j'ai appris. Moi, je vais y aller très rapidement. Ouais. J'initie mon fils à toutes sortes de documentaires de la BBC. La BBC, c'est pour moi la maison de production qui font les meilleurs documentaires naturalistes. Planet Earth, Life, un documentaire aussi sur les deux pôles, sur la faune et la flore. C'est d'une toute beauté, c'est merveilleux. On apprend une tonne de choses sur les animaux. Et une chose que j'ai appris, parce que j'y ai acheté le documentaire sur les requins, la BBC ont fait un excellent documentaire sur les requins. On y voit une vingtaine, une trentaine d'espèces. Il y a 510 espèces de requins, dont le requin Paulette, qui marche. Et oui, il quitte les eaux et il marche. Le requin le plus petit se tient dans une main puis il brille la nuit. Mais ce que j'ai appris puis qui m'a particulièrement choqué, c'est qu'on accuse les requins comme étant des prédateurs dangereux, sanguinaires, bouffeurs d'êtres humains. Mais saviez-vous, mesdames et messieurs, qu'il y a plus de 100 millions de requins qui sont tués par année pour leurs nageoires dorsales, les nageoires sur les côtés? 100 millions par année. Il y a plusieurs espèces de requins qui, en ce moment, sont en voie de disparition, dont le grand requin blanc. Donc, d'ici une cinquantaine d'années, on parlait de notre avenir, ben, des requins, ils vivront pas l'avenir parce qu'ils sont tous en train de disparaître. Mais ça, c'est pour les nageoires dorsales, c'est surtout les Asiatiques qui adorent ça. Non, les Européens le font également. Ah. Ils enlèvent leur nageoire pour faire de la soupe parce que ça aurait certaines propriétés de toutes sortes. Mais reste que 100 millions, c'est hallucinant. C'est pas tous les Asiatiques qui le font. Je dis, c'est pas juste les Asiatiques. Bon, ben justement, on a besoin d'une bonne nouvelle hein, pour passer à autre chose parce que des nouvelles de même, ça m'écœure. Donc, avant de vous dire au revoir, voici la bonne nouvelle que je viens juste de googler dans les actualités. Alors, Monsieur Le Trémouille, vous pouvez nous lire ceci. La Russie n'a pas l'intention d'envahir la Suède. Qu'est-ce que c'est ça? J'espère. C'est la bonne nouvelle. J'espère. Je savais même pas qu'elle voulait l'envahir. L'ambassadeur a jugé la rumeur ridicule. Ça vient peut-être d'une fausse information. Puis bon. Bon, ben la Russie n'envahit pas la Suède. C'est cool. La troisième guerre mondiale, ça va être pour le mois prochain. Ouais. Les Suédois peuvent dormir tranquilles. Oh yeah, vive la Suède. Vous autres aussi, là, dormez tranquilles. Les Suédois. Salut, la prochaine. Oh. Ah, puis allez voir notre page Facebook, Schizopode. Salut. Bye.